C'est quel jour aujourd'hui? C'est samedi, je pense, au Congo, hein? C'est samedi. Et Batoubazana va fête, Batoubazana va. Voilà, King King, le Sako. Merci. Merci. On donne le temps pour que Batoumoussou va rejoindre Bissou. Majos, merci. Donc, le temps que Batoumoussou va Kota et Majos. Ah, vous êtes mon idole. Merci beaucoup, mon ami. Sylvie, merci. Bokoto, Ebandi. Bon, une petite causerie. Hein? Valérie, merci. Jolie aussi, merci. Witch, Balak, merci. Depuis Philippines, waouh, Manila. J'aime Manila. Nalinga Manila mingi. Namona Manila lokola Abu. Non, Lagos, na Nigeria, c'est pareil. Hein? Bonjour, bonjour, bonjour, beaucoup mieux belé, moi Nathan, bienvenue sur Zati. Depuis Kenge. Ah, mon amama, ah oui. Waouh, c'est qui ça depuis Kenge? Paul. Kimbe Mako. Waouh, Kenge. Mais vous avez des mégas là-bas. Waouh. Depuis Kenge chez moi. C'est bien ça. Merci. Merci. Voilà, comme c'est samedi, on va pas vous prendre assez du temps. Juste moi causerie mouké sur ce qui se passe. Avant de commencer, juste moi anecdote. Il y a un jeune frère qui m'a appelé de l'Afrique du Sud. Wolobakombo n'a été, mais en tout cas, c'est un jeune frère qui est toujours naba poste Nangaï. Et il nous a appelé juste être Zobunga Mapoto, Alobi, bon prof, il y a certaines choses. Il faut que tu kaka, que l'on va kate, que comment t'as kate, il faut que tu kaka. Et voilà, Ndeomsusa Bakisi Panzamakita. Non, ça, Panzamakita, mais ce qui est vrai que vérité et mensonge, ils n'ont jamais ensemble. C'est ça le problème. Ce que tu as dit, Maramo, et si ka mensonge ezali, vérité ezalaka et panzamakita. Et si ka pe vérité ezali, mensonge ezalaka et panzamakita. Donc, mensonge na vérité, écoute, anaka jamais, difficilement, hein, va marcher. Donc, tout ça et panzamakita, mais c'est vraiment une vérité qu'on doit défendre. Il faut qu'on défende la valeur, il faut qu'on défende la vérité, il faut qu'on défende, il faut pas défendre le mensonge. Il y a un besoin mona que nazo bengango establishment na ndenga na biso na Congo to mesana mensonge. To mesana alors que ce qui est vérité y est, et qu'au simbaté. Alors, mais, toi y est juste pour te le faire, Makambo, il y a un beau cannabis au Nengezolika, juste une minute, moi, peut-être 30 minutes, pour toi épargner, bande de cannabis au Bazola, depuis Kenge, dans le Bandundu. Waouh! Donc, Bango Bamega, d'abord, les a passés, et ce que mon indéco, se connecter awa, c'est un sacrifice, hein? Merci beaucoup. Voilà, donc je disais que notre jeune frère nous a dit que Zala Makamsu ko lobakate Zala calme, mais namona pebinoté, bo défendre Rabiso. C'est la vérité qu'on défend, hein? Qu'on défendre ngate, ne défendez pas M. Yombi, défendez la vérité. Défendez la vérité. Et na outi ko tcha poste moko. Ce que vous avez à côté de ma vanda nan mouke, pardon. Vous allez à vos vanda. Vous allez à vos vanda pour comprendre. Il semblerait que j'ai l'impression comme si ils ont abattu baso interdire ngana loba makamba akulutu na biso honoré mbandate. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, na koyi koloba mwa moke, à 100% te, na koyi koloba peut-être à pareko, kolobe la pareko te, parce que vous avez à pareko te. Mais M. Noreng Wanda, il faut na lobe la ye. Il a été d'abord un citoyen public dans le cannabis. Il faut na lobe la ye. Il faut pas tenter venir m'interdire que kolobe la ye te. Non, ça va pas marcher. Il faut tout lobe la ye. Azali moutou pa mapambate, azali moutou mouné na koufi. Il faut tout l'obélaïe, moutouno sazan a droit à l'obélaïe. C'est que bandeko e bele bazo benga respect aux morts. Nazoye bangote, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie respect aux morts? Ce qui n'a lobi, M. Mbanda a été trahi. Bandeko nyon suesika bozali bozo landangai. Même au baro landanga après. Congolais nyon soyebi que M. Mbanda a été trahi. Na liko bimisa makamu susu te otu osala live na biso ya 3 heures. Meto yebi. Naza sur et la famille. Na famille, une partie ya famille politique na ye. Ba Congolais. Ba résistant. Même o baza ba résistant te. Ba yebi to yebi biso nyon so ke Meshe Mbanda a été trahi. Ce qui te lobby a été trahi, donc il y a la présence des traîtres, n'est-ce pas? Il y a un lobby beau vanda, oyo biko za molimo ya incompréhension vanda, parce que soza ko téléma ou comprendre ngati. Batunyo sto zali koloba na monoko na zo mona na zo passer partout sur le kina net, mais M. Mbanda a été trahi. Alors ce qui te lobby a été trahi, c'est qu'il y a des traîtres. Voilà nanga bien, pardon. Na ko répéter ngo 3 fois. Ti na aussi sa live oyo. M. Mbanda a été trahi, c'est-à-dire il y a la présence de traîtres. Toyoki ke kor ya kulutu Mbanda est commis na France. Na Paris. Kor na yeza likuna ezoze la date ya famille pour que bakende ko chaye esika ko se reposer. Momentanément, Azela tokene nango na Congo. Na wuti ko koma poste na lobby boy. M. Mbanda azali na Paris. Très très mokote akomona ebembe. Ya Monsieur Honoré Mbanda. C'est ce que je dis. Monsieur Mbanda à Paris, Bisho Nistozali Koloba que Monsieur Mbanda a été trahi, et Ngana Lobi, mou traître mon côté à quoi yako mone bembe na ye. A Lingala, na Sena Komi, soki e bembe sanzi yo, kende ko mona banganga nzambe na lombango. Totangi combat mututé, polémique exacte, juste ce que tout le monde dit, que M. Mbanda a été trahi, ngana lobby, comme naza un mbandiste, traître mon côté à komone bembenaye. C'est-à-dire, oh, a yebi kaza traître. Ce qui a kei à komone anzo tonate ko li moi. Je me demande, et lokoni neza wana ya, ya non-respect na yebembe ya mbanda. Tozo lo babiso nyo so ke mbanda ite trahi, wana za respect. Nga na bakisi traître mokote o a trahir M. Mbanda a komone bembe na ye. Wane komi non-respect. Mais, je comprends pas, en tout cas, je comprends pas. Na tche posto wana bon, ba mi ba ye, ba commentaire, mais je voulais vous dire une chose, hein, parce que ba Congolais ba lingi mingi sika batu bazo swana po ba chamwa moto, Balinga, bakongole balinga mingi einda, einda. Mes chers amis, discussion moko eleki na poste nanga awa na ba ami mususu. Mais na sepeli nango. Bien que na discuté, oui, j'ai discuté, il faut na mona clair parce que esika nini na respecté kor ya monsieur Mbandate. Na parti politique na ye, bozomo na ba notice ba poste. Bazali ko koma. Par-ci par-là. Mais tozo mona batoute na poste, ba poste wana, ya famille politique ya M. Mbanda, po ba lobake, o eza respect ya ibembete. Mais nga moutouna yeko lo babon, voilà, azala ki trahi. Tout le monde est d'accord avec moi. Azala ki trahi. Mais pourquoi boza d'accord nangate, so ki nan lobi ke, traître mokote ya komone ibembe na ye. Eza mabe? Donc bateau ba trahir yé ba yawana kolekisa kobimisa maya misu ya ba crocodile bo sepeli ndengwana donc ba traître baya kuna bozolo ba bateau ba trahir yé e bolingi pe ba traître ngo baya ngai soki nazali na France ngai par exemple soki famille ba pesi date ya molai ya kokundaye et soki ba permettre parce que avec ma COVID, famille, ma kundaye, peut-être, n'enge na zomo na intimité. Mais, ce qui nazaï libre, na koyiko kende, je me reproche de rien à trahir M. Mbanda te. Naza traître te. Mais pourquoi ba agitation? Est-ce que zali non respect na ebembe? Ce qui na lubi ba traître ba koyate. Mais, d'une na côté moussousou, discussion ou eleki na poste wana na tchè na Facebook, na sepeli nango. Pourquoi? Parmi ba mi ou to discute na bango, bazali ba vrai ami nangay. Na sepeli nango, parce que yango tozali ko lite na résistance ou. Il faut pas accepter ma cambonion so parce que ami na yo muta lobby parce que collègue na yo muta lobby nyo sazali ko loba nyo sazali ko sala il faut quoi accepter yango nazali ko lutter contre ma cambonion ce que vous voyez avec la résistance mingezali ba combine ya ba ami il y a des choses trop lobaté bosez la vidéo à 3h. Et zali ba kombini ya ba ami. Bazo se protéger entre bango. Oyo asali mabe, ah mbeba, bon, to protéger ye. Oyo asali mabe, mbeba, to protéger ye. O mbeba, alors résistance, to zali ko continue te. Et moi, je vous le dis, cette résistance congolaise, nenge zali li, nenge zali ko kende. Na zala ki na mosika. Na zo observe. Mais le peu de temps na yeko kota na kati, mes chers amis, ezali combine ya ba mi, ya rien de résistance na kati. J'ai même ma tête à couper. Ils allaient combiner les amis qui se protègent. Et pourtant, ce n'est pas ça la résistance. Donc, club Mokwebami, club Mokwebami, club Mokwebami, na katouana bazali ko surveiller, amenini à Salimbeba, soit Salimbeba rapidement, il se regroupe rapidement, et puis il protège cet ami. Et ezali ko aider Kongote. Ezali ko aider Kongote. Tindinge bozoyo kanon, monsieur Yombi, azo panza résistance. Non, monsieur Yombi azo panza résistance te. Monsieur Yombi azo sepela na ba combine da mité ya mensonge. Yamona bozo mona mensonge na vérité ezo simbate. Et tellement ezali groupe déjà establishment ba sala yango banda kala y vivent comme ça, ba melaka ensemble, ba liaka ensemble, ba benganaka, ba tambulaka. Voilà, comme ils allaient quelque part, et Oyoki, les qui a tchiseke derrière quelque part, nan mwabadola. Ils se regroupent, nan a okete yokende. Loba onoya groupe boy. Nan a obimate, tan kaka moutouna la yebana yokende. Onoya bake bazui. C'est ça, nan yinko bimisabilo msoute. C'est ça. Parce que je vous assure, dans cette histoire de la résistance, naye ne loko moka ma bété. Naye juste na sincérité nanga. Et naye okuta nana mir yabami. Kleb yabami. Nazo comprendre ou meli biloko wana. Alors, pour. Tout réformant au kakambala moko boye, au bout d'un mois, de deux mois, ça va pas marcher. Yangwana bozo yoka, ba nungu nungu apandi. Na moni poste msou quelque part, yombi aza Rwanda, c'est lui qui a tué Honoré Mbanda. Et si kazali soki bibembe la moukaka vraiment la mouki, Sergei Perrier, tout yo. Ah, yombi Rwanda. Ni de près, ni de loin. Yombi Rwandais. Franchement. Alors, discussion on a dans le lobby, bandeko, bon mon amour ma bête, on a sepé la discussion wana. Et batou o bazali impliqué dans la discussion wana, bazali ba mi nanga de longue date. Tokutani te pona makambo o ezo le kasiko yo tokutana kala. To yebani. Tozali ba mi, mais na sepé na discussion wana parce que vrai azali na tolo ba na résistance oyo il y a des fois pe to bimaka mo moke na résistance moi renseignement a ndeko nanga yo moto vandi na mboka ana boni le kambo boyeza ndenge yo moto vandi kuna on sort de erm susu na la contexte ya résistance vraiment mon ami franchement mon ami mais na sepeli ke mon ami et loko na komi na posté a sepeli na ngote a ye ko interpelé nga ke non les kambo oyo sali na sepeli na ngote. Eza droit na ye d'un ami. C'est bien. Akoye ko ya inbox, problème ezati akoye ko ya na public. Po ngala lingaka mingi makamba ba inbox te. Po na kamba inbox, ba négociation ezala ke belé na sepela na ngote. Mais na koye ko ndimate ke oui na sali mabe parce que na zo mona mabe na salité. Ya mona na lobby. J'ai écrit comme ça na lobby. Monsieur Mbanda azali na Paris. Très très mokote akomona nzoto na ye. Ce qui est bembe sanzio, luka banganga nzambe na lombango. C'est ce que j'ai écrit. C'est tout. Alors, mon ami a monike eza malamu te. Mon ami a zomona peut-être que poste wana na komela ngo bato. Na komela ngo bato te personne. Parce que nga... Parmi ma kamunza mbape sangana, ebite soke zali ya ma be ou bia ya ma lamo, la peur na banga kati. Na banga kati. Na banga kati. Alors, soke nazali kolobe la moutou quelque part, ngai lo lo ni ozanga na lo ba combo na ye qu'un tel nako pas ngolo ba combo na ye je vais le dire mais si ka to vandi na ba mboka to vandi okuta na ba autorité ya mboka wana asali mabe na lobeli ye bi très bien que souri na lobeli ye ba ko yo ko changa na avion bazongi singa na ye bi yango mais na lobby alors yo nde ko na ngai biso to za ba entre biso la famille na Congo so asali mabe ngara ko ke na sens moko figuré te pour na lobeli yo alors tellement ba traite ba ze ibele na ko cha liste ba traite nyo sauté parce que poste na ngai ko za la mulayi bo tanga ti yango na lobby kaka bango nyo so baza ba traite na lobby ba traite ba komona ebembe na yete. Peut-être nga nazo na kanisi malamu te na poste awa est-ce que bokoyiko yebisa nga est-ce que j'ai mal dit est-ce que ezali ko manquer respect na ebembe bato bazozanga respect na ebembe ya kulutu na biso bazali parti politique na yebozo mona ba poste bazo koma bozo mona ngo mais bozo attaquer bango te non bo respecter corps bo respecter nga na lobby pona ko respecter wana za ko respecter corps ya kulutu. Batu ba trahir yé vrai bondimi to yokani on est d'accord là mais si ko to lobi batu ba trahir yé ba yaté et ça causant un respect à corps na ibité mutu na nga ndenge ni hein mutu na nga ndenge ni na ibité na zangi respect vraiment bon ezali pe malamu na eloko wana na ndenge te ke na lobi mabe mais dans des discussions qui na sepeli nango parce que ndenge na uti koloba bato discuter na bango bazali ba camarade nanga j'aime ça yango na lingi na mema na résistance bon na lingi na mema te na linga ki na mema na résistance na linga na mema vérité sincérité na komi eloko un vrai entre guillemets ami nanga amoni yango a sepelite a ye a lobi o sali mabe. Voilà, c'est ce que j'aime. Yango na linga ki na mema na résistance. Na linga ki te, bon, ndenge zawana, amoni aza ami nanga, amoni eloko mona komi, a sepeli nango te, mais a ye ko apuye yango. Prof, o sali malamo, prof beton, o sali malamo ndenge o lobi, ba traître, ba koyate, ba traître. Et pourtant, na sa moute ma yebi ke, na sali mabe. Donc, ami nanga wana isika zali, na ebi ke to kabwani na fimbo kuna mbundu fimbo kuna mbundu ya pala biso tolobaka kanda na mutema esika zali zoba bizu zoba bizu j'aime ça mais a umeni na kati ya resistance ndeko oyo esprit wana ebandi sikoyo bi ebandaka ifu kolobaka eza kaka ngate mutu nazosala mabe ba mabe eza ebele et surtout qu'avant du pays d'Europe kuna ba combine de amis ba ebele lobelaka pe bango ndenge wana toko sukula resistance ami na yo asali mabe lobelaye soit oke inbox o lobelie soit na public o lobelie comme ça bato ba nakozala na kobanga ya koloba lokuta ya kosala mabe parce que ayebi ke so na sali mabe ba mina nga ba kolobela ngai voilà bravo et tozomona ba conseiller moro bazakoya prof yona mutubo yebo sala bo etete ngana ndeko wana ndenge to discuter na chat ndenge wana soyez à la ketoza na kanda biso mibale mbe to se bloqué ya bloqué nga te je l'aime nga pe na bloqué yete alinga nga alors c'est comme ça la démocratie il faut toyer ko la kabiloko wana voilà et ndenge na lobaki que soki bakundi ebembe ya kulutu na biso le premier samedi après kokundaye le premier samedi ou dimanche na 20h heure de Paris. Tokozala awa avec notre vidéo vérité de 3h. Donc c'est un rendez-vous. Ce qui va conduire que l'autre le la lelo samedi kolanda kuna na 20h heure de Paris. Branchez-vous. Branchez-vous. Et l'eau comme ça, nakolo babatwe belé balobi yango. La pareco appartient à la pareco. Monsieur Mbanda appartient au Congo. Personne n'a le droit. Yako peki sabiso to loba ponaye. C'est impossible dans un pays, même à Koufil Borobi, que notre pays n'a pas besoin de Bantou, pour respecter corps. Alors, toza na période nini, ou yobozo luka, to respecter corps. Et na yébite respect à corps ou bozo luka, c'est quoi au juste? Je comprends pas. Je comprends pas, excusez-moi. Parler d'une personne, c'est ça qu'on manque de respect na yété. Bozo pe s'explication te kek. Qu'attendez-vous par respect à corps? Parce que dans un pays comme ça, un leader politique, ce qui a Koufi, mais quand même, ils ont le collabozo Pekisa, ébalé. Ils ont l'endengue, ils ont l'anate, et Konda. Pouvez-vous vraiment interdire à tout un peuple de 100 millions d'habitants de ne pas parler d'un leader politique ou à Koufi? C'est faisable ça. Pour M. Honoré Mbanda n'est pas le seul leader à Koufi dans Bokanabiso. Bakoufi Bélé, Lumumba Koufa, les gens parlaient de lui. Kimbango Koufa, les gens parlaient de lui. Maloula Koufa, les gens parlaient de lui. Batouba Zela qui était nobo Zela Bakunda Maloula, Pobo Loba. Kozela, Oyo Batouba Bazolo Bato Zela Bakunda, Ezali dans le cadre, il y a famille politique naïe. Pour prendre des décisions, il faut oser là. Pour prendre tel mouvement, il faut oser la Bakunda. Mais la population, le col abisso, est impossible. Bosenga 100 millions d'habitants, Bokanga monoko, Bolo batte oser la Bakunda. Sori Bakundi kulutu nabisso après 2 ans, le col est un Tshisekedi. Donc, tokozé après 2 ans, et pourtant, vous voyez que tozana la résistance. Kuna na mboka, pression, pression, pression. Bisso to vanda, tozé la. Bisoto vanda toze la Bakunda. Mais non. Si ko to lobi ba traître ba yate. Wana pe toze la Bakunda après to loba ba traître ba yate. Mais non, il faut que loba avant. Il faut que loba avant. Il faut que loba avant. Et ce que je ne comprends pas, yamona lobi na début que na zomona ya ba tendance ezali de me faire taire. Au moins, on a mis Moussousou Bozali, on a mis comme un. On a mis comme Moussousou Bozali dans Ngambo ya Pareko. Dans Ngambo ya Pareko, c'est chaque jour, bazo koma. Et ça, la page, on a évité la page, ça appartient à qui? La page, c'est Honoré Mbanda Nzamboko. Na Facebook. Mais si vous avez une page, vous allez voir, c'est chaque jour, on écrit. Lelo na moni réunion na bango o basala ki na kuku ya ko ponama entre bango ba poster yango na public ba poster to moni ba touté ba ye non bosala biloko bo été respect d'accord ngamut na lobi ba tuba bomi ye ba yate. Voulez-vous la présence de Kagame n'obsèque ya kulutu na biso no Mbanda Kagame aya na ye parce que respect yango na bo pekisate bo lobate Kagame aya na ye. C'est ça? Kabila yanaye, na ibemba kulutu na biso. C'est ça? Mais non, biso ba gendarme na ye futo pekisa. O ayebi kazali traître. Ko tia patete. Eza la famille ba okunda ye na intimité. Famille ba okunda ye na katanda kuna yete. Famille ba kwenye okunda ye na cimetière. Banzinga nzinga na cimetière kuna ba kongole ba mbandisi ba kozala. Lobaka raba yoka datete. Mais ceux qui ba yoki date les soldats de Mbanda bakozala banzinga nzinga yo yebi kozali traître okozwa pati ya kingo okozwa pat ya kingo. Ah oui, c'est révoltant. Azali mutu, il y a beaucoup de choses oyo il fallait salema avec cet homme ici. Et katani kakabo inanzela. Bien qu'il ait quand même il a entraîné des gens oyo et ko katana te ke libela, il a suspendu il y a bato au baza mayele bazali na katya pareko j'ai suivi bato mso a pareko mi balé en tout cas au nalandi moi je peux dire que bato wana est-ce que bazala qui réellement na pareko est-ce qu'ils ont bazala qui na main libre de travailler na pareko ou bien comment j'ai suivi bah, il semblerait ici il faut pas citer des noms mais la chaîne engage les droits j'ai suivi papa et bamba ah mais non ba tuto lingi ba dirige ba mouvouma na biso ya résistance. Moutou nyon so alanda ki, parce que na kei place papa et bamba a parlé, moutou nyon so o alanda ki, ba commentaire. Félicitations. Ezalinde boy. J'ai suivi un autre monsieur de la Pareco, monsieur Zaki. Ah oui, vous sentez que quand même, l'esprit mbanda ezalina katia batou oy. Alors, ils ont choisi, ils ont libre na kanisande ngwana. Batu mususu ya pareko bazali, on a yebite peut-être bazali. Mais en tout cas, na ba on a landi les deux là que j'ai cités. Je pense que conseil tokoyi kopé ça si s'ils peuvent prendre les choses en main et qu'aux ala malam makasi. Alors, mais na lingite ba ba na lobanini ba acolyte prépayé ba ya ofinga ngai eza chaîne na ngai et eza li opinion na ngai na batu o na landi a pareko en tout cas oui il mérite hein ba meka un peu ko changer des choses na kati ya mouvement oyo donc je disais que batu ba ko ko pekisanga na lobela pareko te mais à 100% parce que Apareko est une histoire publique. Ce qui est public est commis public. Ce qui est na kuku na kintweki, c'était une association ya kintweki, et za kintweki, on n'a pas les droits to lobele yango. Mais dès lors et bimina public, nous avons les droits to commenter sur yango. Yoko lobate ozam ta Apareko te. Mais non. C'est que vous comprenez pas les choses. Alors, la résistance n'a pas de chef, na lobaka ngo à tout moment. C'est anarchique, c'est le chaos. Alors, batu ebele bazo comprendre ngate. Ce qui dans le but, c'est anarchique, c'est le chaos. Batu bazo comprendre chaos pesa donc kuna balobaganini chimvundu. Non, le chaos là que je parle, l'anarchie là que je parle, esa anarchie ya chimvundu te. Ebeba kuna sandruma, non. Le chaos que je parle, l'anarchie que je parle, c'est dans le sens politique. C'est-à-dire, il n'y a pas de chef. Résistance, c'est la canne chef, t'es. T'es ben gagné. Congo. T'es ben gagné, la résistance. Mais il n'y a pas de chef. Ou bien l'être chef a signé. Que va ben gagné, M. Yombi. Ou bien l'être. Alors, il n'y a pas de chef dans la résistance. Il n'y a pas une structure dans la résistance. Alors, Bobo Benganamout, sur base de quoi? Ou puis l'être y a adhésion à y ou à côté de la résistance. Ou puis l'être au Bobo Komi Bobo Bengani. Voyez-vous, donc, il y a moins là pour comprendre le sens, il y a chaos, le sens, il y a anarchie. Na ba structure loko la résistance na biloko plutôt loko la résistance bon na kati ya Congo kuna juste le chaos yangwana chaos penza d'une façon vulgaire pas d'une façon politique na Congo chaos penza ezali ba pétition kiri par-ci par-là gouvernement oyo basali kutuna même remise et reprise ba pétition e bandi ko salema gouvernement e kweya ba motion ya destitution et bandi ko salema. Mais dans tout cela, na kintwe ki bazali ko senga le premier ministre o ya zui nan fonction ti, bazali ko senga ye ba pétitionnaire bazali ko senga $50,000. Ezama wa mingi pona mboka na biso. Et batouana pe bazali ko ya na cité bazo benga bango ba député. Les gens ne comprennent pas député l'inkolobani. Même bango mba député, ba yebite député l'inkolobani. C'est-à-dire pona bango baza satisfaite. Alors, pour ba leki sa gouvernement na parlement, il faut bazoa. C'est un groupe, je pense, de 200 personnes ou bien 135. Ou ba signé mkandawana. Il faut bazoa $50,000. Alors, Félix Namikolo, yo, azo tout na gouverneur ya banque, ba kombo la nan kuna na réserve nationale, ba pesa ye 50,000 chaque député ou na pétitionnaire pour ba calmer bango. Parce que le gouvernement de Félix, c'est la corruption. Il faut corrompre pour gouverner. Mbongo nyo se sili. C'est vraiment regrettable. Et une autre chose, Ezali, que Tolandi Bissonioso, représentante ya ONU na Congo, ya MONUSCO, elle a avoué qu'il y a un génocide au Congo. Mais maintenant, on se pose des questions. Wapi ba Congolais, tozali wapi, to profite na mea culpa wana ya MONUSCO pour activer au niveau international. To luka ba pays oyo ba koyi ko supporter biso pour que conseil de sécurité ba se réunir parce que bango moko ONU ba reconnaître que y a un génocide au Congo parce que batu mingi to bandai ko luka moana e wutana ba kondi ya ONU. Alors maintenant que ba kondi mkondi ya ONU na Congo a lobby yango y a un génocide au Congo. Alors, egozala sikoyo biso ba Congolais, to landa d'exemple ba mboka mususu lokola la Birmanie. La Birmanie a poussé des choses, ba contacter ba diplomate mususu ba mboka mususu, ba aider bango, bomoni ba conseil de sécurité combien de fois ba se réunir pour la Birmanie. Combien de fois ba se réunir pour la Birmanie. Alors, au lieu to zalaka na biloko ba futilité ya koluka nani a posté nini pona kakeye, nani a sali nini pona salaboye. Non, c'est le moment. Biloko wana na yeb sa kabino ke, au niveau ya système ya Nations Unies, ba démarche ya boye dans la société civile et sala makana moutou mon côté. Parce que je sais, ba yeb sa bino bo yo yeba yina ba toni ozo salani. Non, et sala makana moutou mon côté, ba ko accepte yango jamais. Et sala makana groupe ya batu, ya mboka moko boye, bozali abusé. Bozali ba victime ya génocide, par exemple, bozali groupe, bokei, oni accepta ka ba individité. C'est difficile, biloko ande mwana, bo senga, moutou moko akende ko senga na oni, na lingi tribunal international et salema, pour na génocide na Congo, yo moutou moko signé, par exemple, yombi, et ko salema te, jamais. Mais soki ba moni, un groupe, o bazali ko représente batou. Oui, on y bazwa kango la considération. Alors, tozali wapi. Oui, ndeko na biso Victorine Levo, merci mingi. Bon, vérité kaka. Elo msoute, vérité kaka. Ti ndengeza boyende tozo yo kama kamnoso ndengezo lika persona kwa ulo bake mese yombi ya yena lukuta ngo ya ngoyo. Mese yombi ya sala mabe ya ngo ya ngoyo. Ya napa. Ti yeso ya ngoya. Ya napa. Je suis prudent dans ma vie. Très prudent. Alors, toza wapi biso ba Congolais, mes chers amis. Na politique ba lobaka, il faut saisir opportunité politique. Oni ba reconnaître, ya génocide. Sikoyo, tozali ko sala nini? Tozali ko sala nini? Au lieu ba groupe ya soutien ya ba ami et ça les maka groupe ya boyé on soutient boyé on soutient boyé on soutient boyé ou mais là non tout ça là ba groupe ya ko ça la pression ya ko senga na oni tribunal international et ça les mapona Congo sur base ya rapport mapping sur base ya ba dossier nous sous tokoki ko pesa bango il y en a beaucoup na lo bakango je le répète rapport mapping wana ezali presque un dixième ya vérité na biso. Alors, tous ont un dixième wana. Le cola ONU, bango moko ba reconnaître qu'il y a un génocide au Congo. Tout profiter nango pour que tribunal est salement. Au lieu tout tika, tout tika pour qu'on vende calme, c'est protéger Baburu na biso. C'est protéger Baburu na biso. Tous allez wapi. Tous allez wapi. Et ça, ma mingi, pour Mboka na biso, na ebite. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment, il y a histoire à Mboka na biso, na ebite. Pour vraiment, tous à la bouillie, biso nyonso, tous à la karandenge moko. Congolais, à cause à la na plaisir, assis à énergie na ye, pour na ko défendre un ami. À cause à la plaisir, pour na, assis à énergie, pour na ko défendre un ami. Mais pour nous défendre le Congo, jamais, ce n'est pas mon problème. Et dans le bas, il y a un lobby, quelque part, ce qui se passe dans l'Est, dans le Biso, dans Beni, dans Minembwe, il fallait avoir quelque chose et qu'il y ait dans Kinshasa, dans la ville, dans le Biso. Dans Kinshasa, il y a un calme. Dans Kinshasa, au rythme, il y a une fête, il y a un président, il y a un parlement, il y a un poste, il y a un ministre. Na longoli signature, na je retire ma signature. Bazo luka ba $50,000. Entre temps, na beni kuna mitua bande kuna biso ezali ko katana. Alors, idée ya batu o bazali ko loba ke to kabwana. Vous croyez que ba idée o kabwana mboke panzana. E ya kaka boye mutalale, la mou yikaka ye moko a loti kaka mboke panzana. Non. Ezali bilo kwa boye. Bande kuna biso, par exemple, est na biso. Bakoyi koloba bazali abandonné. Bakoyi koloba te bazali abandonné. Le gouvernement a abandonné bango. Biso pe peuple congolais to abandonné bango. Si ko soki bandeko oyo baye ko bimisa makanisi ke, bon, tozo se sentir seul. Moto moko azo ko supporter biso azate. Moto azo kote la biso azate. Moto azo defendre biso azate. Bon, to kataka kamboka ngo biso to mi vande la, to kufa kaka mbala moko. Po tozo kufa deja, bato ya beni bazali okola banzete e kweyi la kake. Batuan bande kona biso kuna bazano kola banjete kwe la kake. Bazo kufa chaque jour. Pona bango kukufe komi bonjour. Boni, boza bien. Denge nini. Biso awa. Lobi mi bale balongwe. Bakata ni mitu. Bino kuna denge nini. Biso moko. Akata ni mitu. C'est comme ça à l'est de notre pays. C'est chaque jour qui passe. Batu bazo kufa. Alors, bande ko oso yi bazo remarke ke biso. Tozali ko soutenir bango ke. Bango te Kinshasa musique. Boutou moi, musique, ba fête, ba ville minene minene qui quitte, Lubumbashi, Kananga, Mbunjimayi, Mbandaka, Matadi, partout. Ba fête, na ba fête, comme si, na mboka na biso, tozali na situation calme, moutou moko azo koufate, makile zo tangate, tozali calme, y'a pas de problème. Et pourtant, chaque jour, batou bazali kolela na est ya mboka na biso. Où sommes-nous, biso ba Congolais? Où sommes-nous tous à wapi? Tous à wapi? Tous à y na ba groupe à ko protéger ba leader na biso. Il faut ko protéger wana. Il faut ko protéger. Moutou a sali ma be. Ba longo la ye a sali ma be te. Ba longo la ye te. Boye ko panza. Boye ko panza. Ami na biso a longwa te. A sali ma be te. Ami a sali ma be te. Il faut a zala wana. Seko seko mobutu. Namunoko, tous abas résistants, tous ouais l'amboka, tous ouais l'amboka, vous ouais l'amboka, ouais l'amboka, Ezaïe si comme côté, ouais l'amboka, la résistance Ezaïe qu'on résistait, namakambu nyonso ou Ezaïe qu'on salambeba na société d'abino. Parce que on voit des résistants juste contre les Rwandais, c'est tout. Mais ce que font les Rwandais chez nous, c'est ce que aussi les Congolais font là-bas, Congolais m'sous. Croyez-vous que batu nyonso o bazobo mababa ba congolais kuna bazaka ba rwandais? Ba rwandais bazali, ba congolais bazali. Mboso la di ba député bolonga na ba groupe armé. Lobito landi délégation ya bandeko na biso ba uti na est. Ba ye okuta na Félix. Bolandi bango, banan bazobo mabango. Bazo opéré ndenge nini? Résistance et l'inkoloba et l'okonyon soya mabe ezali ko salema. Il faut qu'on résiste contre yango. Résistance contre ba envahisseur yambo kanabiso. Résistance contre ba Congolais ou bazali na ba groupe armé nambo kanabiso. Résistance contre la résistance négative ou bazali ko protéger ba ami na bango. Il faut qu'on résiste contre bango. C'est bizarre, on a un résistant qui s'est dit nga na za résistant. Ah, osa résistant, oui. Tala na mupanja wa kamarade na yo. Tala makambasali. Olingi ya za la kakawana. Ah, oui, yei faza la kika kolo bandikante. Olingo panja résistance. Kongole. Kolo bate, olingo panja résistance. Tozali ba résistant. Tozo résister contre le régime en place ya Félix Kadiosha. Tout le monde na résistance autotikala bazali ko loba kombo ya Kadiosha. Kadiosha za mabe, Bolin Kadiosha, Félix Kadiosha, Félix Akendawa akosi Kadiosha. Batuna ye babi ma protéger ye, pour ba protéger Kadiosha. Mais dit oza résistant, oui, naza résistant biso mboka oyo ko ya te biso za ba congolais, makila ki mbamu na nzoto. Aha, tala camarade nayo. Tala makambalo bi Kadiosha. Olobi nini? Te. Ye kolobate, koloba kombo na ye te kolobate. Ah, omoni papa oyo, aye ko panza résistance. C'est ça. Il faut ko sale la ye ba vidéo kili kili, ba zotamu sa ba 50 euros, ba zotamu sa ba 100 euros, boni kou nandeko. Ah, me di, oyoki profwana, me profwana ye ko panza résistance, ah, ndeko, nazana mwa 50 euros moko awa, na tinde la yo, sale la ye vidéo. Ah, vraiment. Non, moi je demande ba tobazo défendre nga, ne me défendez pas na mbongo. Na kotine de la mutu moko tata 1 centime. Bo défendre so bo yebi ki na zo ba vérité, défendez la vérité. Ne défendez pas monsieur Yumbi, défendez la vérité. Défendez la sincérité. Il faut qu'on casse ba groupe d'amis, ba club d'amis. Il faut qu'on casse yango. Nga le loto koyi koza la ba ami, toza ba ami. Me na moni ke na makambo politik nde tozo lo ba, osali mbeba. Na mbeba wana, toza susu ba ami te. Na ko peso konsey, tika mbeba oyo. Me na vi privé one ami. Me biso ba kongole loko wana, eza pasi po esalema. Oko mouna na zana problem na moto oyo, X. Ba mi nyoso ya X, ba komi pe ba ennemi nanga. Na ebi bande kwa pariko, ba mi na bango msusu, ba vre ami, na Facebook so lobi likambo, o komante. Bango pe kuna suki batu bazo atake bango toke o komante. Banda makambo e bandi, bango pe ba komi ba ennemi. Nga pe na komi ba ennemi na bango. Moko kuto a bloke nga. Ezala ka boyete bamboka to vandi komona na ba parler de peuple na kore par exemple parler na parlement na bango ba bundaka kuna penza ba maître taekwondo bazali ba bundaka penza libanda ba shit kibororo okomona bango ba bimi la liboso a parlement na bango ba restaurant ezay belé okomona bango na kati bazolia na kati ensemble na mesa moko bazolia adio likofi obeta kinga wani swinga pe na lakisa awa yogi chincha po yogi ah luka vix di to luka vix to pakola yo me ye muta utu obete na parle makuna se politique sa reste la muta kufa kate balanda mutu babo maye balanda mutu bakangaye me chez nous au Congo pona makam politique soki boswani ki ennemi jiré Alien kout ko yo a kombo na yo te, abani ko influencer batu mousousou ba lobe la yo. C'est ça. Et lo kezo bo mabiso. Donc, wana pe zali front mousousou ya résistance. Il faut résister contre makambo ya boye. Ne permettez pas bilo kwa boye za mabe. camarade na ngai ngana zana problème na moto mususu x ce problème me concerne na moto wana soki ezali makamba politique mais notre amitié continue na cité ça continue makambo o politique to discuter nango ezana implication te na amitié na biso. Oh non, yombi boyokiye, ayaki na misha ko panza, boyoka kandenga lobaka, azana ndeko na présidence à Félix. Oh, men ndeko wana azana ndeko na présidence à Félix, se banda mokiliwe banda, banda Congo eza Congo, banda tozala isika wana tobotama, tozali bandeko. Donc, deka kotiye pa Félix, ifo okata ki ndeko wana, c'est ça. Ifo okata ki ndeko wana, c'est ça. Parce que à côté pas Félix mais dans le bagango chaque jour dans le bagango ngana ndeko na kinde kwezali to benga na ba cousin cousine kinde kwezali mais en ce qui concerne politique opération exacte to soit na ka chaque jour a benga nga yaka yaka na boyaka azwa avion aya na Corée azwa avion aya na Corée na boya kokutana na ye na boya kokutana na ye mais Tangwa zongi, une semaine après, mwana ya petit frère na ye propre, mwana penza ya petit frère na ye propre, mwana mtsuka na bango akufi. Na bengi ye, cousine, mes condoléances, mwana akufi, po son petit frère, je le connais très bien, mwana akufi, aza mwana biso, et... Ma COVID, yonga pe na Congo kuna na woyate po vidi ya zela kangai. Na woyate. Mwandamba contribution ya ngoyo. Tosa bandeko. Mukolo msua yeko benganga. Paske soa bengana tunaka. Ozo benganga pola nini. Makamba fami ou bien makamba politiki. Ayebi deja. Oyo akabo. Lelo nga na bengyo. Nga na zo bengwa makamba politiki te. Nga na zo bengwa makamba fami. Oyebi entel. Akufi. Oye bien tel, moi na ya zan hôpital et sikaboye. Oye bien tel, oui, ayeba. Pour na yebi sa yeso ki makam politique ne me parle rien. Ko yebi sa nga yon kote. Alors, vous voyez ba manipulateur. Non, voilà. Ndeko na ya zan y pa Félix, yangwana ba pesa ki émission aya ko panza résistance. Moi j'ai commencé ko lobe la Félix. Ndeko na kouta komi nan conseiller te. Na lobeli Félix, tib ndenge bo moninga aba oba yebinga banda na banda 2003 ti lelo na changea direction te na zaka kaboye. Na changea direction te. Alors, toza bandeko, toza bandeko. Mais résistance, ezali oyo nazali ko monate. Bandeko e bele bazali ko tcha ba commentaire. Tika na yusa bino momoko. Li banda. Tant que Nazara qui libanda, je croyais dans la résistance au Yotozali Komona. Je croyais. Mes chers amis, je jure, na tombo ya papa nangai, je jure, et si kabakunda ki mbango, na yo kota mouke na kata résistance au ce n'est pas une résistance. Toza la ba hypocrite. Ce n'est pas une résistance. Na yebi batu bakoloba, ebongo baksyon oyo batu basalaka. Baksyon batu basalaka, oui. Ezali malam. Mais, soki ezalaka vraiment une vraie résistance. Mbele, j'ai raison, non? Je pense à haute voix. Mbele Kabila, ça l'a même 18 ans. Parce que ndenge to tambula kana ko sala makelele ba marche ko sala boye mutu na mutu ayaka na ba motivation na ye ba tebele to mona kana o ba yaka peut-être na marche ya desse ba yaka na volonté avec sincérité marche pona mboka nanga passe na mutema ya desse ba yaka pona makamba mukanda mukanda na ye mubulu tika na tele na ba marche oyo pona mukanda nanga na ye bi na traitera ba dossier belé ya bandeko na biso angunda okoyo akaka bon pauvre na mona ikaka ba prevezate match moko ezalaki na par exemple na Belgique na longwe sika na zaina kende na Belgique pona tele ba même moi ba photo ba mona c'est vrai tous la ba hypocrite c'est vrai mais réellement surtout tous la ba résistant ya solo mais le mboka na biso kabila sera ki 18 ans vous voyez par exemple batu ya IDPS bazaki na résistance ba non benga ba résistant n'est-ce pas. Est-ce que Bazalaki sincère pendant que Bazo résiste contre ba Rwandais, contre Kabila? Bazalaki sincère na biso? Je réponds peut-être na batu oyo ba kolobake, c'est que makamto salaka yo zo niya ngo. Non, na zo niya ngo te, na zo ndima. Y a de ceux qui viennent avec sincérité, y a de ceux qui viennent avec hypocrisie, y a de ceux qui viennent pour la survie. Bromo na batu, par exemple, y a IDPS, Bazalaki na résistance pour la survie. Qu'est-ce qui a changé au Congo pour que Bango va changer de côté? Rien du tout. Rien du tout. Donc, je proposais la fois passée qu'en tout cas, il nous faut une résistance intelligente. Il nous faut une résistance intelligente. Franchement. Par résistance intelligente, je ne sais pas si Batumsu Baza est intelligente. Non, excusez-moi. Vous comprendrez. Sans nangai. Donc, une résistance active plutôt. Oyo penza, to kote la batu, to kote la batu, pour te faire comprendre, bango, qu'est-ce qui se passe dans le cannabis, qu'est-ce qui se passe. Moutou moko, on dit, on a dit, on a dit, aujourd'hui, par exemple, moi, je connais Nani Antonio Guterres. Na ebiye juste na HR. Azalaki au commissaire pour les réfugiés na HR na Genève avant d'abord recommander moi Azalaki premier ministre na mboka na ye aye okota na HR ba voteye au commissaire mais il y a beaucoup de dossiers qu'il a intervenu au nga na Azalaki na kati ba photo pe ezali na Facebook mais nga na ko kende te. Na sing audience et pas à Guterres, que non, il n'a pas de na yo, pour na makamba Congo. Et que ça ne m'a jamais, parce que les protocoles, il y a Nations Unies, ça ne permet pas à individu, même si vous avez des photos, vous avez na ye, vous avez des photos, vous avez des 1000 photos, là qui des yo camarade n'a jamais. Ba vous avez yo soza camarade na ye, kende vous avez des na ye. Mais un groupe, ce que ba lobby, ou ezali biso ba Congolais, ou ezali biso ba résistant, ou ezali biso, tozo représente une partie ya mboka na biso, to linko kutana naye. Ah, dans ces cas-là, boko ki ko sa la démarche, boko kutana naye. Individité. Là, je m'adresse na bato balobaka. Yo za la kuna na oni, eloko ni nozo sa. Alors, kende pe kuna kende ko vérifier o lingite. O linka ranga moko na yebiso yo. So ki pe na yebiso yo, ozo ndi mate. C'est un groupe où vous allez accepter. Ben individité. Ben individité. Vous allez accepter jamais. Alors, c'est ce que donc je disais que na phase autocomi, je pense que Zali phase il y a baction. Baction, il faut salema. Et baction on a il faut ça le man ndenge moko bien raisonné ndenge moko bien structuré et na batu moko o bazali na vision moko ndenge na uti ko loba notre résistance ezali vraiment na vision moko te na uti ko yebisa bino batu neto yaka na résistance mutu na mutu ayaka na ndenge po na nini o azoya na sincérité mboka ezokufa bazali o azoya po na survie na ye bazali o azoya po na mukanda azali o azoya po na boyazali. Donc vision na biso eza mon côté. Et maintenant, il faut faire un effort pour que biso nyonso to meka ko identifier banani bazana vision moko. Bato bazana vision moko to regrouper bango et bato wana peut-être bako ko kozala ensemble pour basala makambo oyo et singeli po na mboka na biso. Mais na kati ya situation ya boye groupe ou bien club ya ba résistant ezala ka mon côté ezala ke belé nazo répéter yango c'est du chaos l'anarchie ezalaka mokote ezalaka ebele po boyebi te oakokanga nyama boyebi yango te groupe oyo okanga nyama boyebi te kozala moko ensemble j'explique nalobaki la fois passé kozala na groupe ensemble na bakongolais ça crée des histoires alors pourquoi pas koluka siko ba groupe selon ba vision parce que ce que j'ai compris que ce qui toyokanaka penza te c'est parce que to ponanaka na ba vision te toyaka kaka ngulu ngulu brrr, bosangani mutuna mutuna vision na ye mais bo kenenzela mokote parce que mutuna mutazo zo direction na ye alors pourquoi ne pas prendre un temps d'identifier batu oyo bazali na vision moko a oto za na ye vision moko na moni oh vision moko na moni mais il y a des exercices na kati pona ko identifier est c'est vrai parce que ba mensonge ezali Moutakoloba qui est bon, na moni groupe au téléma, vous êtes très actif. Non, n'a pas de vision, mon abino. N'a pas de vision, kaka vision, wana kaka moko. Visionni, libérer le pays. Ah, dit, mais comment si vous libérez le pays? Ote, toko bunda kaka toko benga na bango, même na makol. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, il y a des exercices na kati d'identifier comment oyeba ke bozali na vision moko binonios. Et comme ça, je pense que ça va réussir pour beaucoup de nzela moko. Mais ceux qui vont bien kaka bon, on appelle ba résistant nyonso boya, mais mutino za résistant. Mutumu so azo résister pour moi si na ya beta ya ndako. Mutumu so aye résistant pour mobali na ya beta ya. Mutumu so azo résister parce que alingi poste na pays. Mutumu so azo résister parce que alinga ki moi si moko boye, moi si na boye a komi résister pour moi si na za résistant, yé pa yé na résistant pour amona raye. C'est ça. Alors, faisons un effort. Donc, dans le bas qui tourne ça la minute, 30 minutes, va tourner à 1 heure. Je disais que Nayaki a rapport dans le bas que il y a Bami et Belé Bazoluka vraiment qu'au faire terre naï dans le bas qu'au le bas combat en bandaté parce que Bakundi est dans terre respect n'a mort. Mais Natango Batu lokola Etienne Tshisekedi tango akufi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, personne n'est venu à l'oba. Le 2 ans, Etienne Tshisekedi à l'oba, que non, bon l'oba te respect n'a pas mort. Bisonnes to vendi à n'a pas résistance. Même bandeko, au besoin n'a pas commentaire. Tout comme on a commentaire, t'es que non, bon l'oba combe Tshisekedi, t'es parce que va kundi en anté. Mais avec Honoré Mbanda, on nous dit, bon, pour n'a respect, l'oba combo n'a été. Pourquoi? Parce que j'ai posté, je résume, hein, pour n'a pas tout baye sima. J'ai posté na lobi boye mutunyo sa yebi ndenge ovandia na zo landangai oyebi que monsieur Mbanda a été trahi. Soki to lobi monsieur Mbanda a été trahi c'est qu'il y a des traîtres, ba traîtres bazali. Ba ngonde ba ba trahir ye. Ngana poste ngana komi bon ba traîtres oyu ba trahir Mbanda ba yate komona nzoto na ye mukolo ba kokunda ye. Est-ce que oyu zali ko manquer respect na ebenga? Bande que belé baye balobi bo et belé te quand même baye balobi oza ko manquer respect na mutakufi. Moi je ne le pense pas vraiment même ba ko sangala les 80 millions bien 100 millions ba congolais soki bo yebisi nga za ko manquer respect ba kong ya ebembe na ndimi ya moti ba leader de belé ba kufaka on en parle. Mbanda était un leader. Mbanda za ki mutu pamba te ya barabara c'était un leader. Leader soit kufi Batu o bako vanda calme balo bate bato parti politique na ye par exemple. Famille na ye biologique par exemple. Mais le peuple congolais au Kanga 100 millions d'habitants te balo bate, balo bakombo na ye te. Et peut-être lobi pe kombo na ye na mabete, to lobi bato ba trahir ye. On est d'accord na ngai. Bozo ndima ke oui, ba trahir ye. On dimi oui. Mais to lobi suko ba traître wana ba yate. Te, o lobi mabe, respect za tene bembe. Vous comprenez intention bande kona biso. C'est de me faire taire, o lo bate. Groupe d'amis. Bazali, nazoye babango. Nazo mona mabe na salite. Traître ayate. Ba traître ya monsieur Mbanda bazali banane. Ba toa Kabila na kati bazali ba traître. Ba toa Félix na kati bazali ba traître. Mboka Maroc ezali ba traître. Ba Rwanda bazali ba traître. Sikoyo ngana lobi ba traître ba yana ebembe na yete. Ba mona kor na yete. Mabe wapi ezali wana. Donc, Bolingi Kagam a tindé la délégation. Bon, voilà. A tindé, par exemple, James Kabarebe. A kené une place bazo kou nekoul tombanda. Kolobate, yéza respect. Wana respect, yéza te. Mais na kati ya ndakou politique ya koulou tou nabiso. soki bokeyi bokomona nauti koloba awa eza na page moko babengaka yango kombo nango mpe eza honore ngbanda nzamboko bozomona c'est chaque jour qu'on poste tozomona te bandeko bami oyo bazwa koreproche nga koloba te eza respecte na corps ya motu me tozomona bango kuna te mais ils sont amis tozomona kuna te na nini ya page wana que oyo eza komanke respect mais na page wana soko omona eza nini bitumba ya baposte na bango ezali kuna na kati baposte yango nga na moni eza na net soki bokei na honore ngbanda e moi je croyais que cette page la ezalaki ya kuluta honore ngbanda nzoka nde ezalaki moto mosusu moto nini wana azokoma na poste wana parce que na bandai komona page wana ya facebook honore ngbanda nzamboko ntango azalaki vivant to bandai komona yango baposte ebele ebele moi je croyais que eza ya ye moko sikoyo ye akufi kuna place akufi vraiment ye moto azokoma nani wana azokoma na kati kuna baye kotia discussion na bango interne discussion na bango interne baye kotia yango na public ndenge nini babandai kobunda mpona baposte kuna bandeko oyo bazwa koreproche biso respect na ebembe mpo tolobi batraite baya te bango mpe kuna bazali bami na page wana mais commentaire moko te conseil moko te bocomprendre bocomprendre parce que soki ozali juste commenter epai na ngai ke non ndeko eloko oyo okomi batraitre baya te eza malamu te respect na bakonzi pardon respect na mowei na kondima excusez-moi na kondima mais kote kuna bakomi batie makambo wana kuta ezali ndako na ye politike bato bakomi kopesa exemple ya kozala kimia banzela tokunda ozali ami kuna epai na bango commentaire moko te conseil moko te epai na ngai nakomi kaka batraitre baya te oye se kolingi kagame aya olingi kabila aya félix atinda meme vili echimanga aya donc je disais bandeko vérité awa ezali kotoka na mensonge na résistance na biso. Je vous demande de défendre la vérité. Ne me défendez pas. Soko yebi ngai na mabe. Lobela ngai. Et d'abord na senga kango, boyoka nga na ba live na ebele. Soko moni ke ya quelque chose que on azo sala ezali mabe. Yela ngai même na inbox yebi sangai. Ndé na utiko ba ya un jeune frère. Soko na talie bi a cause na age moi na ngali boso, il m'a appelé. Ayebi sanga non prof. Oui, komba na yo, ndenge ozo sala, ça va. Mais prof, tala mouke, na point oyo, tala mouke na point oyo. Na senga gango, tozali ba pebelete, o ba senga gana public. Soki na zo sala mabe bo reproche ngai, bo tika nga na mabe te, bo bete langa maboko te na mabe. Mabe soye zali, bo yebisa ngai, na change. Alors, tozali batu. Mabe pe wana soki ezali eko change lobi na tongo te opesi conseil lelo lobi pe na tongo application non il y a de ces choses peut-être ezali déjà banda kala na kobomba te ces jeunes frères d'Afrique du Sud ayebi singa lobi soki na zolanda yo oza textuellement mon père akufa textuellement mon père papa na nga azalaki avant soki olobi a alimé yo soko contredire ye si toi yebi aza la raison a alimé yo alobi nazo mona yo textuellement mon père mais pona caractère wana ya papa na ye elongoli te ki aza la mwana na ye te be yaza la papa na ye te ezali quelque chose baba na ekolite pe na famille po esila moto nyonso aza ndenge wana chacun de nous aza na makambo na ye même kulutu na biso honoré o tozali kolela lelo azalaki à 100% sainte, azalaki pe na moi ba défaut na ye. Mais l'essentiel ezali que ozali malembe malembe graduellement er ba tozo yebisa yo ozoke ne malembe malembe ko changer. Moi si j'interviens na makambo oyo, ba ke bele bazali koloba ko répondre te koloba te non. Na zolo ba pourquoi? Parce que je ne vois pas ba tout penza na niveau ya oyo bazali ko détruire nga na mona pe bato ba défendre nga ebele ndenge wana nazo mona te alors il faut que je me défende moi-même po bazo détruire nga oyo bazo lo bozali kolo koloba te mais bazo kitisa nga te na Europe, na Asie, bamboka mususu ya Asie, na Europe, na Amérique. Oui. Olobi lukuta, justice ezali. Et pas na biso justice ezate. Et pas na biso vérité eza barimer, ba lukuta ou bazali koloba. Bozo mona ba poste, yombe za Rwande. To ye biye. Ba pesi koutou na kombo soki biregereza. Balobi, papa na ye komone biregereza na Rwanda. Alors, boyebi ke biloka bo yangonde kendaka komi vérité au Congo. Mokolo siko na oya ko justifier ozala trop tard. Trop tard au kokasoute parce que etamboli ezwi misisa. Ba to ba comprendre que oza Rwande, ba to ba comprendre que yo muto bomi honoré Mbanda, ba to ba comprendre que ozali boyi. Et surtout, bato bazo bengana, ah non, papa, au moni, ozali leader, leader boyete, zalalikolo. Bon, leader azalalikolo, pour leader alobakate, parce que aza na confiance na batou na ye bazo défendre ye. C'est ça le leader. Tshisekedi ne parlait pas beaucoup, mais Tshisekedi to mona ki à travers le monde, ndenge nini batou bazo défendre ye, Tshisekedi alobasou pour ami. Alobate, parce que ayebi ke batou bazo défendre nga bazali. Bon, si bon mona Tshisekedi apesi communiquer que ne me défendez pas bon lobate, rien. Félix Yewana. Félix a zolo ba mingite. Mais badan ba zolo ba na komba Félix. Batouna ye. Oh, ba zolo ba na keno Félix a za leader. Ko répondre batou te. A part kaka banta banyangala kata. Oh, a yebisa biso. Félix a lo bagate. Badan ba zolo ba na place a Félix. Batouna ye. Moutou loko la Fayoulou. Fayoulou a lo bagate. Badan ba zolo ba na kombo na ye. Batouna ye. Kulo tonore mbanda to zole la. A bane ko lo ba mingite. Banane ba bane ko lo ba la place na ye. Batou na ye bata pareko. Biso oyo. Moussousou bato bane ko landa ye. Alors moi vous me demandez. Prof ko lo bate. Ko répondre te. Oza li kolo. Ko répondre te. Mais wapi batou bazo defendre nga. Wane sa stratégie te de me faire taire. Na vanda calme. Lo kouta e kende. E zwa misisa. Moukolo na roya ko se justifiye. E ko za trop tard. Kao. Non. Eza boyete bandeko. Eza boyete. Ou eza stratégie à ma B. Ou eza stratégie à ma B. Parce que ceux qui battent, bazo défendre ngai, bazo le belanga, oui, na ozala calme. Na korepondre ata moutou mokote. Na korepondre ata moutou mokote. Mais je ne vois pas, yako tanga na misapi, ba leki koutata 20 te. Kakane, inbox sobomoni, même 3000 bakoki. Papa kolobate. Ah, na omona ka kombo ya mutu wana soki natali, na ke na page na ye. Ok, na page na ye, omona ba poste ezali o batu bazali kofinga. Kofinga même. Ndeko wana azali na kati wana. Momo kote. Me azwe inbox papa kolobate. Kolobate tika batu, bazali batu, kolanda batu ote. Amen, bazobo manga. J'ai une vie à défendre. Nazana future, yako défendre. C'est le moment yako défendre. Avant, il sera trop tard. Bokotan yelanga leader mokote na mokili oyo bato na ye. Parce que leader nyonso na mokili, il y a des gens qui les attaquent. Bazali. Batu ba attaka leader oyo azali. Même Yesu koutou batu ba attaka Yesu bazali. Mais badane ba défendre à Yesu. Ba chrétien. Mahomet badane ba défendre à ye. Ba musulman. Bouddha badane ba défendre à ye. Ba bouddhiste. Alors, ngai bozo yusanga vandakal, bozo de fandre ngate, kaka vandakal, kolobate, papa zali kolo, papa zali kolo. Moi je vois que, batoumousou bako yuko zala ba envoye ya batouana, bo kende bo kalmeye. Bo kalmeye, comme ça, bisoto lobaka, bozo détruye. Moukolo ako ya, si yuko zala trop tard pour se défendre. C'est pas juste. Donc, nako silisa na lobby ndenge na lobby na promettre soki bakundi kulutu na biso premier samedi ya semaine o ekolanda soki bakundi le premier samedi tokoya awa po na video vérité soki na silisi video wana na ko répondre susu mutu te. Bandeko nyonso o balanda kangai, o balinga kangai. E sika oko yoka bazolo balikamu nangai ya lukuta. Zwa video wana, chela bango. namoni ndeko moko aye koyebisanga. Non, prof, ah, tala moutou oyo, aleki pa bobo, alobi ou oza professeur te, oza, ah, mais likamba professeur zo outa wapia wa, eza likamba Congo. Qui professeur te, je suis congolais, j'ai le droit de parler. Je ne parle pas parce que je suis professeur, je parle parce que je suis congolais. Prof, bon, namoni kaka prof poto silisa, tinde la kaka moutou diplôme na ye. La diplôme na yo. Oh, ngana zo diplôme na ngana tinde la ye. Yo lingi ngai, ozali wana isika zolo bande wana. Me ozana ba video na ngai. Ozana ba video na ngai na zo tangi sa ozana ngo. Ozo tinde la yete, oye na ngai na inbox, ozo yi sanga zwa kaka diplôme na yo tinde la ye. So yi na zo diplôme na ngana tinde la ndea kondi manga. Mende kona tozala nene na ba reunion, na zana ba audio, na ba reunion na zo benga ngana. J'interviens, bon, je soutiens ce que le professeur a dit, ou bien je ne partage pas l'avis du professeur. Abana ko benga professeur. Les lois soutenir camarade naye, naza sou professeur te. D'ailleurs, il n'est pas professeur. Mais tu m'as appelé professeur. Nandegeni. Katalai. Katalai, soko benga inga professeur te. Nala ko tinda diplôme nangate. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Ceux qui ont lingi, joue avion, yaka na Corée. Joue avion, yaka na Corée. Ou bien, kende na ambassade ya Corée. C'est pas à moi à me justifier. Yaka na Corée, vérifier. Ce qui vraiment na zala, na libosa be étudianté. Mais bozo mon na ba vidéo, nyon so sur moi. Ngam na sala, mouté la chaîne de télévision te. Bango moko ba Corée. Elle va zolo, parce qu'il va bengi la professeur. Bazo si t'écoute na komba université. Pour les Congolais, non. Parce que tu zo se partage même point de vue. Il n'est plus professeur. Ça soute ma nongolinga. Heureusement que nazana ni ban. Soye nazana na Congo. Mbe le balo, ba bimisa nga na auditoire. Peut-être na sous-vêtement. Franchement, soye nazana na Congo. Soyez na sinaya ba contrat oyo avec le gouvernement congolais. Mbele ba bimisanga na sous-vêtement na kati auditoire. Merci Kimbangu. Yo yebaka. Moto mwindu. Akokende kolakisa ke tozali ba konzi. Musika na Orient. Orient ngo yango ngana zate. Orient o ba benga ka Orient yango tozali. Anobaki ezala na Orient. Ezala kuna. Moutou mwindu akokende akokonza. Cessez la jalousie. Votre frère est bel et bien professeur d'université. Cessez la jalousie. Tolo bela makambu ya mboka. Soza contre bargima nanga ide nanga. Loba ke non, argima yandeko oyo. Nandimi yangote, nazo sepela nangote. Me koniye tout. Moukolo msoubo ya oloba naza moutoute. Moukolo msoubo ya oloba non azara akoutu moutoute. Awe bandi deja naza Rwande. Bapesi kombo birigereza. Papa langa balobi kombo na ye birigereza. Bana bindungi. Bana kinzenzengo. Bana kinzamba. Bana kitubu. Nani azwa tonga ya infirmier tonate. Nani azwa tonga ya infirmier tonate. Bana kinzamba, bana kinzenzengo, bana bindungi, bana kitubu, bana mwanza, bana milombi, bana kitona, bana kingunji. Nani azwa tonga ya infirmier tona te? Bakomisi ye birigereza, Rwande. Babi mboka na yeza pemeni ya giseni, kuna ba pemeni so kitina se. Mboka na yeye zakuna. Izabe Congolais. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Hein? Le pays, c'est comme ça. C'est pas seulement ba Congolais batozo inventé rou oyo. Na ba mboka o ba trouble les araka. Ils ont toujours comme ça. Ba résistance. Biso tozwa chance à kotanga ba histoire ya ba résistance na monde. Ils ont toujours. So botan l'histoire ya ba Tamil. So botali histoire ya ba coréen, so botali mke, babiloko ezalaki penza mingi te na ba juif. Ezalaki, mais ezalaki pe na ba ampleur aboyete. Mais ma divergence à Boye, soutien à Bami, soutien à Boye et Zalaki. Mais Bangonde, Basalaki est fort makasi pour que ba dominer Bilokwana, Basili Sango rapidement. Biso ezo Oumera. Alors, Biso toye na moupepe ya vérité. Résistant, nyon soa yebike, il est dans le vrai, dans le bon, dans la sincérité. Zala na biso na sima. To buka mir ya lokuta ya ba mensonge ya ba kadiosha. C'est pas logique to condamné kadiosha, to condamné Ubwenge. To zali ko condamné mikolonoso Ubwenge, kadiosha. To tala entre biso, Ubwenge na kadiosha, ezali bien ezate. C'est illogique. Moins sérieux, eza illogique. Oya Monique Azali, résistant à vrai sens et résistance, ba mabe ezalaka, mais soko zali ko persister na mabe ya ba lukuta, ba montage, eza malamute. Venez nous rejoindre, et token ensemble. Ko rejoindre biso, eza yina structure moko penza boyete, mais il y a quelque chose, quelque part, ba tu bazali ko raisonner, nase, oui, éviter, bah, pour aboutir, nanine, mais en tout cas, nous avons besoin d'une résistance au vrai sens. Nous avons besoin de club, il y a ba mité. On n'a pas besoin de club, ba mi. Boko yo kabatu, baso, aye ko panza résistance. Oui, na yé na vérité, parce que vérité na lokota est simbakate. Yango ezo panza résistance. Yango ne ezo panza résistance. Mupepe wana yango ezo panza résistance. Parce que cette résistance ezali na makambwe. Bélé. Bozomo na pona ko protéger ba mi na bango. Soki botali ba poste ba komi, na ko yiko bomba te parce que les noms sont là. Madame Candida a écrit, a posté réunion na bango na Koko na Kintweki. Monsieur Kombo na ye Jovin, je pense. Ya Jovin, c'est comme ça bazo bengaye. Il est pas komi. Monsieur Bamba est sorti boyoki. Monsieur Zaki est sorti, boyoki. Famille babimi si communiqué, bolandi bango. Na kati wana soki botangi biloko na nyonso. Oh madame Candida Komi, oh monsieur Ebamba lobi, oh monsieur Zaki a lobi, oh famille ba lobi, oh madame Candida lobi. Yombi azawapi ko azo panza, résistance azawapi na kati makambwana. Soki botali ba dire na bango nyonso makambasali, le nom de Yombi ezate. Maintenant, pour camoufler ces problèmes-là, il y a un groupe na kati ya pareko, bazomo na ke bazana raison te. Makambo basali eza respect na ebembe ya kulutu na biso te. Alors, bazolo kanini, lititi nyonso na mai o bazomo na bazo dinda, ifo ba simba. Alors, lititi yona ba moni seki, se Yombi. Ifo ko simba ye. Ifo ko simba ye, sino te tozo dinda. Aye ko panza resistan. Non. Soki bolandi communiqué ya Madame Candide, o abimisi ezali na sobo ke ina honoré mbanda nzamboko chaîne ezali page ya Facebook soki botali bolandi makambo kulutu na biso ebamba alobaki soki bolandi makambo ndeko na biso Zaki alobaki soki bolandi communiqué ya famille balobaki vous comprenez que na kati kombo ya Yombi ni de près ni de loin ezate ni de près ni de loin ezate. Na isika nini Yombi akoti, ayeko panza résistance, ayeko panza pariko. Exacte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces groupes-là, au bazo zinda, bazo lukalititi nini bako simba, bazali ko panza 50 euros, 50 dollars, luka ba mama mususu na ibi bango te seki wapina, yuki kaka ba mama. Ba 50 euros, zwa 50 euros, sale la vidéo, zwa boye, sale la vidéo. Oui, c'est comme ça. Ba leader, ba finga ka bango, ba leader ba tonga kabango ba leader ba lobela kabango. Si j'étais moi un petit citoyen ya muke quelque part dans un village comme ça mbele bozo sala ba vidéo boité, vous sentez la force ya dragon rouge, vous sentez la force ya dragon rouge, et c'est vrai nazali. Mais épargnez-moi na ba bêtise na bino na lobango. Si j'ai intervenu, c'est parce que mon nom a été cité ya ko détruire ngai. Il y a mon intervenant qui. Mais ce qui se passe, c'est pas na bango. Et banda kou. Bozela bakunda. Boko mona ba dossier. Bato e belé bako kima. Na balabala ndenge bovandi na la plupart baza na Europe bokotambola te bato ebele bakobima lisusu na public te nazwi chance oyo balobaka pièce contre pièce nazwi chance ya kokutana na kulutu mbanda ti akufi ayebi ke batrahir ye na pariko kulutu mbanda ayebi yango ayebi yango ayebaki yango e abandai koloba na bato mosusu na confidence abi motu tel atrahir nga deja motu tel atrahir nga deja motu tel me azalaki na motema ya kobomba yango r moko nakoki koloba soki nazalaka esika bazali kotya nzoto na mabele nalingaki koyebisa ye kulutu osalaki mabe ya kobomba batraitre epai na yo meme barelation nini ozalaki na bango parce que bomesani boumeli mais il fallait pas otika bango lokola oyebaki batrahir yo il fallait pas otika bango il fallait otya bango mosika na yo mais voilà motema na yo ya monene ya kotika bango pembeni na yo voilà ce que basali yo il le savait tokoya esika wana nalingi bakonseye te video kaka 3 heures point par point pièce contre pièce bokoyoka mingongo bokoyoka mingongo esika wana boloba siko ah bozala na soni bozongelanga ozalaki nio na raison papa bokongole mpe asengaka pardon te ozalaki nio na raison boremarke ke na makambo ezoleka na pareko yombi azali te ni de près ni de loin ils ont trahi les vies bolanda ndenge bazoloba te mai ya misu wana ils ont trahi les vies et la culture na biso bomonaka soki moto akufi pardon soki moto akufi bokomona nani mpenza aza na problème mpenza na ebembe na ye bokomona bato mosusu bakoya te tozotala soki bomoni absence soki bomoni absence yudashi soki bomoni absence yudashi na suki wana kimbango azala na bino a protéger bino et on se revoit prochainement merci beaucoup et au revoir.